d'Ouïman. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. Des ressortissants des communes Buganda et Rugomba en province de Cibitoke s'inquiètent de mourir bientôt de famine à cause des terres cultivables aujourd'hui envahies par des constructions. Et les policiers déployés sur terrain se doivent de respecter l'éthique et la déontologie du métier. Le porte-parole de la police a fait cette mise au point à la suite du comportement remarqué d'un agent et dont les déclarations ont été virales sur les réseaux sociaux. Des élèves encore mineurs fabriquent des briques dans l'espoir de pouvoir s'acheter du matériel scolaire à la rentrée prochaine. Mais cette exploitation n'inquiète pas outre mesure leurs parents confrontés à la pauvreté. C'est un reportage que vous allez suivre dans ce journal. Isanganiro, la radio de l'avenir. Nous ouvrons ce journal par ces nouvelles brèves de Rumonge. Le journaliste de la radio communautaire Shima FM, mettant depuis la ville de Rumonge et libre depuis l'après-midi de ce mercredi, Phénias Ndayishimiye a été provisoirement libéré par le substitut du procureur de la République à Rumonge, près d'une heure après avoir été auditionné pour la deuxième fois. Kaoura Jean Bosco, directeur de la radio Shima FM, salue cette décision du parquet de Rumonge. Il indique que c'est cette comparution étant libre qui était réclamée pour ce journaliste ayant une adresse précise. Il demande un procès équitable. Phénias Ndayishimiye était dans les mains du parquet de Rumonge depuis ce 7 août 2023. Et le paiement d'une amende comprise entre 200 000 et 400 000 francs burundais, tel est le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rumonge, siégeant en matière de flagrance ce mardi contre trois personnes dernièrement attrapées en possession de pagnes fraudées. Deux étaient en possession de 73 pagnes importées frauduleusement de la RDC et les avaient stockées sur la colline Mwangé de la zone Kizuka en commune Rumonge. Les deux hommes ont plaidé coupables, expliquant qu'ils ont été arrêtés sur le chemin vers les bureaux de l'Office burundais des recettes, OBR. La troisième personne s'est rendue coupable de complicité dans le transport de ces pagnes vers la ville de Rumonge. Le parquet de Rumonge avait requis 2 ans de prison ferme contre les propriétaires de ces pagnes et 1 an de prison ferme contre leurs complices. Après délibération, la sentence prononcée par le tribunal de grande instance de Rumonge et le versement d'une amende de 400 000 francs burundais chacun contre les propriétaires des pagnes et de 200 000 francs burundais contre leurs complices. Ces pagnes saisies le matin du 3 août 2023 ont été remis à l'Office burundais des recettes, OBR. Les policiers déployés sur terrain ne doivent jamais se comporter à la manière des populations civiles. Ainsi, ils n'ont pas le droit de fréquenter les cabarets en tenue de service et munis de fusils. Le porte-parole de la police burundaise qui le dit part du cas du policier récemment apparu sur les réseaux sociaux et aujourd'hui sous interrogatoire au commissariat de la police judiciaire où il est entendu sur ses dénonciations publiques de corruption au sein des institutions du pays. Le colonel de police Désiré Ndouimana rappelle qu'un agent de la police ne doit que suivre les ordres des supérieurs conformément au code d'éthique et de déontologie de son corps. On l'écoute. Notre code de déontologie nous interdit d'aller dans les bistrots en tenue de service et en plus avec les armes pour éviter qu'il y ait un incident quelconque. Dans les milieux publics où se rassemblent plusieurs gens, le policier peut y être envoyé par son supérieur pour maintenir l'ordre. Il exécute la mission de maintien de l'ordre qui lui a été donnée. Il n'y a donc aucune raison que le policier se comporte comme les citoyens, les civils qui sont entrés de vaquer à leurs activités de loisirs, de quoi. Lui, celui-là, il est au service et il doit rester au service et l'exécuter comme on le lui a demandé. Le premier message est lancé à l'endroit de tous les policiers qu'ils ne sont pas autorisés à fréquenter les cabarets en tenue de service et ayant l'équipement de service. En plus, je demanderai à la population, bien sûr, de respecter les forces de l'ordre, ne pas les attaquer, ne pas les agresser. Un autre message, je le donnerai à leur chef de renforcer l'encadrement basé sur le code d'éthique et de déontologie qui régit le corps de police. Le colonel de police Désiré Ndouimana, porte-parole de la police burundaise. Des enfants en vacances dans la zone Guéochan, commune urbaine de Nahangwa, s'occupent de la fabrication des briques dans le but d'aider leurs parents pour l'achat du matériel scolaire. Même si la plupart de ces enfants sont encore mineurs, leurs parents ne sont pas inquiétés par cette exploitation, expliquant qu'ils n'ont pas d'autres sources de revenus. Reportage d'Evariste Nzikobanyanga. Ce travail de fabrication de briques au quartier d'Ikumatafari est exécuté par des enfants en vacances et se déroule dans des parcelles en utilisant de la boue tirée de faux sceptiques. Cela fait suite à l'interdiction de cette activité dans ce coin qui y était exécuté depuis belle lurette. Certains de ces enfants expliquent pourquoi ils préfèrent travailler en cette période de grandes vacances. Nakirutiman Armel, âgé de 13 ans, est parmi ces enfants. Je suis venu fabriquer les briques parce que je suis en vacances afin d'aider mes parents à acheter des cahiers et de l'uniforme. Je demanderai à d'autres qui errent dans la rue en ce moment de vacances de venir travailler. La plupart de ces enfants sont mineurs, font du travail trop fatigant, ce qui n'inquiète pas leurs parents, qui ne se contentent du revenu qui ne les aide qu'à acheter du matériel scolaire. Ce travail aide les enfants en ce moment et ces derniers cessent de se livrer à la délinquance et pensent automatiquement au travail. Ce travail aide ses enfants à s'acheter du matériel scolaire et l'uniforme. L'enfant qui vient ici peut s'acheter des cahiers et son parent lui achète à son tour de l'uniforme. Tandis que celui qui s'achète de l'uniforme et son parent lui achète des cahiers. Les parents des enfants des élèves en vacances au quartier d'Ikumatafari appellent à la reprise de camps de travail pour ces écoliers en vacances, quitte à la fin, ils bénéficient du matériel scolaire. Évariste Nzikobanyanga. Certaines terres cultivables des communes Buganda et Rugombo en province Cibitoke sont pour le moment menacées par des gens qui construisent des maisons d'habitation. Certaines personnes affirment que si cette situation continue, que la population souffrira de famine suite à la production vivrière qui va chuter remarquablement. Ces gens contactés demandent aux autorités habilitées d'arrêter ce mouvement de construction dans ces espaces cultivables. Le gouverneur de la province Cibitoke, Uizoza Karem, lance un appel à la population de réserver ses terres aux cultures et les zones de haute et moyenne altitude aux habitations. Alexis Ndayiragiche. Certains champs qui étaient destinés aux cultures vivrières dans les communes Rugombo et Buganda sont menacés par la construction des maisons d'habitation, surtout des constructions anarchiques. Certaines personnes contactées au chef-lieu de la province de Cibitoke, de ces constructions sont dues au mouvement des personnes qui quittent les montagnes suite aux motifs variés, préférant s'installer dans les milieux urbains. Ces personnes affirment que ces constructions sur les sols cultivables et très fertiles dans les communes de Buganda et Rugombo pourront conduire à la famine dans les jours à venir. Les demandes aux autorités habilitées d'aménager les zones rurales afin qu'elles aussi soient cultivables et surtout de disponibiliser les sites sur lesquels on peut construire. Le gouverneur de la province de Cibitoke, Uizoza Karem, indique qu'il suit de près cette situation. Il demande à la population de ne pas continuer à vendre les terres cultivables à des fins de construction des maisons d'habitation, tout en exhortant la population de ne pas construire dans les plaines. Karem Uizoza, gouverneur de la province de Cibitoke, continue en demandant à ceux qui veulent construire, à ériger les maisons dans les zones de haute et moyenne altitude. Signalons qu'au chef-lieu de la province de Cibitoke, certaines maisons qui étaient construites dans les milieux surtout marécageux ont été démolies par les eaux des pluies la dernière saison pluvieuse. Depuis Cibitoke, Aristide Ndayiragije, Radio Isanganiro. Merci Alexis. Dans la province voisine de Bubanza, les habitants s'inquiètent des produits phytosanitaires qui s'infiltrent dans le sous-sol et qui contaminent la nappe phréatique. Ils disent qu'ils craignent pour leur santé car ces produits sont nocifs pour la vie humaine. Les responsables du projet en charge de l'eau et de le développement dans cette province confirment ces inquiétudes, raison pour laquelle ils promettent de promouvoir plutôt les biopesticides. Space Caritas Cavagnana. Les habitants de cette province de Bubanza disent qu'ils s'inquiètent de l'eau utilisée, l'eau des bornes fontaines, l'eau des rivières ou des canaux d'irrigation suite aux différents produits phytosanitaires et de l'engrais chimique souvent utilisé dans les champs qui s'infiltrent et atteignent la nappe phréatique. Les pesticides chimiques utilisés souvent C'est comme d'Itane, Roquette, Dimétoate, Dirisban, Doudoufénos, Hortène et beaucoup d'autres selon la même source. L'eau est alors contaminée par ces produits nocifs. Les utilisateurs craignent que leur santé peut subir des conséquences si rien n'est fait pour résoudre ce problème. Les responsables du projet WHH Amazini Terambere qui s'occupent beaucoup plus de la conservation et la valorisation des écosystèmes naturels et de leur biodiversité reconnaissent que les inquiétudes de ces habitants de Mubanza sont fondées et ils vont bientôt commencer la promotion et de l'utilisation des biopesticides afin de réduire et même d'éradiquer l'impact négatif des produits phytosanitaires chimiques sur la santé humaine. Ce projet sera réalisé dans les provinces de Mubanza, Bujumbura et Cibitoke, Spécialitas Kabanyana, Mubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes. Cap maintenant sur Kayanza, où certains membres de la coopérative Abassangirangendo des éleveurs de bovins en commune Matongo se plaignent de n'avoir pas encore eu de crédit de la part de la microfinance Colirac, malgré leur certificat foncier déposé comme hypothèque depuis 2 ans déjà. Le président de cette association, Ildefonse Ngundwanabake, s'inquiète lui aussi que ces documents ne soient utilisés à d'autres fins. De son côté, le représentant de Corilac à Kayanza, Aimable Ndaishimiye, fait savoir que la question est entre les mains de l'administration communale Matongo, bien que l'administrateur ne le confirme pas. Patrick Senghiumf. La coopérative Abasangirangendo des éleveurs de vaches à Matongo a vu le jour en 2018 et compte aujourd'hui environ 485 membres, dont 184 femmes et 301 hommes. Les propos de Ildefonse Ngundwanabake, président de la coopérative. Celui-ci fait savoir que le programme du pays du Paifarbe, qui contribue à renforcer l'inclusion financière des populations rurales, agricoles et non agricoles, a permis à la coopérative de se doter d'un centre de collecte de lait et de trouver des institutions de microfinance pour des microcrédits de développement. Parmi ces microfinances, Ildefonse Ngundwanabake parle seul appelé Corilla Kansi. Il y a 2 ans, certains des membres de la coopérative Abasangirangendo ont déposé des certificats fonciers comme hypothèque dans cette microfinance pour avoir accès à des microcrédits. Certains de ces membres ont contracté ces crédits et d'autres en ont manqué, indique le président de la coopérative. Ceux qui n'ont pas eu accès à ces microcrédits ont demandé leur certificat foncier à la Corilla, mais en veut déplorer-ils. Puis, parmi ces membres de la coopérative Abasangirangendo, craignent que leurs documents soient utilisés pour des fins qui ne les avantagent pas. Contacté à ce sujet d'Aishimi Aimable, l'agent de la Corilac à Kayanza, celui-ci nous a fait savoir que le problème est qu'il y a dans la coopérative Abasangirangendo des clients défaillants et que la coopérative devrait se charger du remboursement de l'argent donné à ses clients. Il indique d'ailleurs que la question a été déjà soumise à l'administration communale et Matongo, mais Sabiyouva Alice, administrateur, ne confirme pas cette information. Diane Sengiyouva, représentante du mouvement coopératif et associatif en province Kayanza, demande à l'administration communale Matongo de trouver solution à ce problème. Et les demande également aux administratifs de bien analyser les dossiers de certaines institutions de microfinance avant de les autoriser à exercer leurs activités, expliquant que la Corilac, par exemple, n'a pas d'agence connue à Kayanza. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. En actualité africaine, la Banque mondiale ne financera plus de nouveaux projets en Ouganda à la suite de la promulgation en mai de la loi anti-homosexualité 2023, considérée comme l'une des plus répressives au monde. Dans un communiqué publié mardi, l'institution a estimé que ce texte allait fondamentalement à l'encontre des valeurs de la Banque mondiale, qui justifie que son objectif d'éradication de la pauvreté dans une planète vivable n'est atteignable que s'il inclut tout le monde, quel que soit l'ethnie, le genre ou l'orientation sexuelle. Plusieurs membres du Congrès américain ont demandé fin juillet au président de la Banque mondiale, Ajay Banga, de suspendre tout prêt actuel et à venir à destination du pays, tant que la loi anti-homosexualité n'était pas retirée. En dépit des menaces de sanctions, le président ougandais Yoweri Museveni a assuré que personne ne le fera bouger. Et l'association Ibuka de survivants du génocide au Rwanda a exprimé mardi colère et frustration après que des juges d'appel de l'ONU ont déclaré Félicien Kabuga inapte à être jugé à la haie. Le secrétaire général de l'association Ibuka déplore une insulte délibérée aux blessures profondes dont souffrent les survivants du génocide. Il ajoute qu'ils envisagent de rompre tout lien avec la Cour pénale internationale. Félicien Kabuga est accusé d'avoir fondé et financé une station de radio qui avait appelé à la haine et poussé au massacre de plusieurs personnes, surtout des Tutsis. Parle, rassure-moi. L'attitude des hautes autorités et des leaders des partis politiques qui interpellent leurs militants à éviter des messages de haine est un bon signe. Ce comportement étant encouragé, selon Chartier à Niungeko, cet expert en résolution pacifique des conflits indique que si de tels messages sont donnés par des responsables, ils influencent positivement leurs membres en matière de cohabitation, ajoutant que cette attitude est l'un des facteurs pouvant influencer un climat favorable des élections. Francine Ndiokougayo. Les responsables administratifs et politiques prononcent ces derniers jours des discours rassembleurs qui appellent leurs militants à éviter des discours de haine. Aujourd'hui, on vous partage les messages des responsables des partis CNDD-FDD et CNL. Révérien de Kulio, secrétaire général du parti au pouvoir, appelle les Bagumnyabanga à ne pas utiliser des langages violents et agressifs. Lors de notre descente dans différentes communes du pays, en province Muyinga, nous avons demandé à nos militants de lutter contre les messages de haine au sein du parti CNDD-FDD. Les Wagumnyabanga doivent éviter des langages agressifs, des injures ou insultes, car on ne peut pas être croyant et proférer des messages de haine envers autrui. Ce serait une manière de faire une chose et son contraire. Agathongwasa, à son tour, a fait une sortie médiatique après qu'une chanson d'un groupe d'animation à Gitega et fait le tour des réseaux sociaux. Il a invité tout le monde à recourir à un langage pacifiste. Nous sommes déterminés à œuvrer pour que tous les Burundais vivent sur le sol burundais. Et nous ne cesserons de le faire et nous cesserons de le dire. Nous disons toujours et nous le dirons toujours, nul n'est né pour vivre en exil. C'est ça notre position. Et donc, que les uns et les autres le sachent, le CNR est pour que les Burundais vivent tous paisiblement sur le sol burundais et que chacun apporte sa pierre à l'édifice qu'est notre nation. Donc notre intention, c'est donc d'inviter les uns et les autres à recourir à un langage pacifiste, à un langage réunificateur, à un langage non violent. Chartier Niungeko, expert en résolution pacifique des conflits, salue cette initiative des leaders politiques. Pour lui, cette bonne attitude est à encourager. Entre les militants des différents partis politiques, militants des différentes tendances politiques, c'est une très bonne chose à encourager et c'est un beau signe aussi de la prise de conscience et des leaders politiques parce que si on commence à voir des gens ou des leaders qui commencent à condamner leurs propres membres pour avoir utilisé des messages de haine ou pour avoir manifesté des comportements de haine ou des comportements à tendance divisionniste. Chartier Niungeko signale que les opinions des leaders qui interpellent leurs membres à éviter tout comportement susceptible de créer des divisions est déjà un point positif pouvant conduire à des élections paisibles. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.